Les fresques en mosaïque où figurent le président Kim Il-sung et le général Kim Jong-il sont érigées à la ferme coopérative de Potsun de l'arrondissement de Feiyan, à la ferme coopérative de Kwanpung de la ville de Munsun, à la ferme coopérative de Lyongpo de l'arrondissement de Bobdong, à la ferme coopérative de Sogun de l'arrondissement de Kumgang et à l'entreprise halieutique de Tongtsun de la province de Gangwon. Les cérémonies de dévoilement ont eu lieu sur place.